Cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قال فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي أي قوله عز وجل وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فلا guidé, c'est avec Al-Wahi la révélation. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré et il a propagé la révélation, Al-Qur'an, Al-Karim, et kadalik sa sunnah, alayhi sallatu wa sallam. Et c'est cela la guidée. Si tu recherches la guidée, tu ne la retrouveras, akhil karim, que dans la révélation, que dans le Qur'an et dans la sunnah. Wa in ihtadaytu. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي. النبي صلى الله عليه وسلم il a été guidé par Allah عز وجل, par la révélation. هكذا نحن, si on veut la guider, on doit suivre la révélation. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. أي c'est quelque chose d'étonnant, ceux qui recherche la guidée autre que dans la révélation. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala قال قل أي قل يا محمد إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. Celui qui veut la guidée n'a pas de choix que de suivre الوحي, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما ceux qui recherchent la guidée via al-ara, avec des avis qui ne sont pas fondés sur les textes, et كذلك al-uqul al-mukhtalifa, كذلك en suivant à la raison dans ce qui contredit les textes du Coran et de la Sunna, wal-aqwal al-muttariba, un jour il a un avis, un jour il a un deuxième avis, et des contradictions et des doutes, فهذا لا شك أنه il n'a pas suivi la voie pour être guidé. قال ابن القيم رحمه الله ولكن من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Et tout ça c'est بيد الله سبحانه. من يهدي الله فهو المهتد. Celui qui veut la guider, il la demande à Allah سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن celui qui est guidé, c'est celui que Allah عز وجل il a guidé. العلم c'est qu'une cause, et c'est une énorme cause qu'on ne doit pas négliger, bien sûr. كذلك, revenir à la révélation et faire des efforts pour la comprendre, la mettre en application, c'est une cause. لكن, celui qui est guidé, c'est celui que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a guidé. Enfin, ça nous montre, avec nos efforts dans la science et nos efforts dans la recherche pour comprendre les textes de la révélation du Coran et de la Sunna, on ne doit pas oublier la cause principale, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guider. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala il l'égare, tu ne pourras pas le guider abadan, même si la révélation est en face de lui, même si tu lui dis les textes, même si tu lui montres, tu lui expliques, lakin son cœur, عِيَدًا بِاللَّهِ, il est verrouillé, Allah subhanahu wa ta'ala il ne l'a pas guidé, لِحِكْمَةٍ عَظِيمًا, on ne pourra rien pour lui. Et تقدم معنا ذكر قصة أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم en face de lui qui lui fait دعوة, il n'a pas accepté. لماذا؟ لأن الله عز وجل guide qui il veut. قال فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ثم يحيل فيها على قول على عقل فلان ورأي فلتان. نعم, هؤلاء سمين أضل الناس, ceux qui prétendent que la guidée, elle n'est pas dans la révélation. ثم يحيل, et هؤلاء كثيرا, et montre aux gens أن la guidée elle est بماذا في عقل أو على عقل فلان ورأي فلتان, أي autre que النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقول زيد وعمر فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبه الكبرى والحمد لله رب العالمين. Ça c'est من اعظم النعم على العبد. فلهذا قال فلقد عظمت نعمه الله. Une énorme ni'ma, un énorme bienfait على عبد عافاه من هذه البليه. Si tu as été préservé de cette musiba, de cette épreuve, de cette catastrophe, le fait de suivre aveuglément et de ne pas se contenter du Coran et de la Sunna, et yadam billah, le suivi des passions, fahmadillah, c'est une très très grande ni'ma. Wa akthar an-nas la ya'lamoun, et la plupart des gens, ils ont été privés de cette ni'ma. Qala rahimahullah, walhamdulillahi rabbil alamin. On doit être reconnaissant. On doit être reconnaissant si on aime Al-Qur'an, on aime la Sunna, et notre but c'est de suivre la vérité, et on déteste Al-Taqlid, Al-A'ma, Al-Ta'assub, Al-Tahazzub, le fait de suivre aveuglément, le fait de s'entêter, de se fanatiser sur des aqwal ou des hommes autres que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hadihi, c'est une ni'ma. Ce qu'on vient de lire, c'est le sixième verset. ثم قال السجم وقال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عن اتباع غيره. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de suivre ma unzila ala nabiyina Muhammad alayhi salatu salam. Et la révélation, c'est un ordre min Allah subhanahu wa ta'ala. Ittabi'u, et suivez ma unzila ilaykum, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le Coran, il a révélé as-sunna au prophète alayhi salatu salam. Wa la tattabi'u min dunihi awliya'a. قال ابن القيم رحمه الله ونهى عن اتباع غيره فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه. Tu as deux choses. إما le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام de la révélation. إما suivre autre. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله فما هو أي il y a que deux choses. الاتباع اتباع المنزل أي ce que Allah a révélé أو اتباع أولياء من دونه. فإنه لم يجعل بينهما واسطة. الله سبحانه وتعالى il a pas cité de troisième chose. إما le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم إما le suivi d'un autre. Ça nous montre أن الإنسان il est obligé de suivre. Tu peux pas être neutre. Enfin, dans ton dîn tu es obligé de suivre quelqu'un. فسوي أفضل الناس النبي صلى الله عليه وسلم. Suis celui qui a reçu la révélation, alayhi salatu wassalam. Suis celui que Allah subhanahu wa ta'ala il a préservé. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu infaillible. Fi dinillahi azza wa jal. Dans la religion. Si tu suis hada rasoul al-karim alayhi salatu wassalam, tu seras préservé bi idnillahi azza wa jal de l'égarement. Qala. فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دونه. Tous ceux qui suivent autre que la révélation, ils suivent le باطل, ils suivent l'égarement, le faux. لماذا لأن الحق واحد. La vérité elle est une et Allah سبحانه وتعالى il l'a révélé à son prophète عليه الصلاة والسلام. Ne cherche pas la vérité dans autre que le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. Restreins-toi, limite-toi au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ittiba'u Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la cause du bonheur ici-bas et dans l'au-delà, comme a taqaddam ma'ana kathiran. On peut citer un dalil qui prouve hada, qawluhu fa innama ittabi'a. أو نعم si on répète du début, فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله قوله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الله سبحانه وتعالى dans ce verset من سورة القصص il a cité les deux كذلك. فإن لم يستجيبوا لك أي si ils ne te suivent pas, ils ne répondent pas à ton appel. Ça c'est le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Et sache qu'ils suivent leur passion. Tu as deux choses. le suivi du prophète alayhi salatu wasalam et le suivi des patients. كذلك قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Tu as as-sirat al-mustaqim, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu as as-subul, et tu as des chemins qui égarent. Comme a dit le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé sur le sol un trait, et il a tracé des petits traits sur les côtés. Et il a récité ce verset, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, hada siratullah, ça c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voie qui mène au paradis. Et sur les côtés, as-subul. وعلى رأس كل سبيل un شيطان من الإنس أو من الجن qui appelle à l'égarement. فحضر أخي الكريم. Ça nous montre أن la voie claire, la vérité, ولله الحمد الله سبحانه وتعالى nous l'a montré en envoyant des messagers et en révélant des livres. وكذلك on retire de ces versets أن هناك de l'égarement. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit أن ce qu'il craignait le plus pour sa communauté c'est les imams égarés. Donc accroche-toi à هذه السنة et fais attention à tout ce qui contredit cette سنة comme l'ignorance, l'égarement, les innovations, le shirk, etc. قال ابن القيم رحمه الله وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به هذا سكلير ولله الحمد فهذا من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم le suivant et on répète la hijra il faut forcément délaisser une chose dans la hijra délaisse tout ce qui contredit la voie du prophète صلى الله عليه وسلم délaisse les avis qui ne sont pas fondés sur le Coran et la Sunna délaisse القيل والقال délaisse les rumeurs délaisse les ondits. Dinullah Azza wa Jal, il est fondé sur des textes clairs. Si tu as un dalil, alhamdulillah. Si tu n'as pas de dalil, arrête-toi et demande. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Thumma qala wa qala ta'ala, le 8e verset. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا. هذه الآية العظيمة فيها فوائد كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله فكل من اتخذ خليلا غير الرسول صلى الله عليه وسلم يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. Tous ceux qui délaissent ou qui ont délaissé la voie du prophète صلى الله عليه وسلم pour suivre un autre, ils diront cette parole. ولا بد. هذا سيوم القيامة, c'est le jour du jugement. قال عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه. تستفيد من هذا أن الله عز وجل لا informé à ceux qui ont suivi autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est des injustes. Ils ont été injustes envers eux-mêmes. Et ils ont été injustes envers l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il les a créés. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créés que pour l'adorer. Et on peut l'adorer qu'en suivant son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال ويوم يعض الظالم على يديه. Et le jour où l'injuste il se mordra les mains. Et tellement qu'il regrettera. Limada, yaqulu, et cet injuste dira, ya laytani takhadtu ma'a ar-rasul sabila. Ya laytani, c'est les regrets. Et pourquoi j'ai suivi autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Et si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أي هذا الإنسان reconnaîtra أن son ami il était la cause de son égarement. Et كذلك الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله فكل من اتخذ خليلا غير الرسول صلى الله عليه وسلم يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. On fait attention de ne pas délaisser la parole du prophète صلى الله عليه وسلم pour un proche ou pour un cheikh ou pour suivre une école ou autre. Le muhim, on est tous concernés, on doit tous suivre un Nabi alayhi salatu wassalam. قال فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. نعم. أي يوم القيامة ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وهنا أن تنبيه مهم كالشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله تعالى إلى سيتي دان سون شرح التابوكية إلى شرح جميل إلى سيتي هنا une remarque importante أن الخليل أو الصاحب أي ton ami ou tes fréquentations, bien sûr, ça peut être une personne. Et كذلك نبه أن à notre époque, il y a une chose qui éloigne l'insan du dhikr. لقد أضلني عن الذكر. أي cette fréquentation, elle a été la cause de mon éloignement du dhikr. الذكر c'est la révélation. فنبه أن à notre époque, il y a un jalis khatir. C'est pas un être humain, لكن c'est les réseaux sociaux. هذه الفتنة كم فتنت من مسلم. Combien de musulmans ils sont tombés dans cette fitna? أي tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, internet, les téléphones, etc. وانحرفوا. ففي attention أخي الكريم. لماذا لأن ces réseaux, la plupart des comptes, c'est fondé sur l'égarement, bel sur la mécréance, ou l'ilhad, ou l'zandaka, ou l'fisq, ou l'fujour, ou l'isyan. Fahafidh ala dinik, préserve ton din et fais attention. Et ne pense pas que ces réseaux, tu dois t'écarter faqad du haram. Tout ce qui est lié à zina, ou l'fahisha, ayyadam billah. Ça, bien sûr, on doit s'en écarter. Lakin ihdhar, et wallahi, annahu, ça peut être plus grave, ihdhar des comptes qui, en apparence, appellent au din. Et ba'adhuhum, kama ta'alamoun, annahum, ils appellent à l'ilhad ou le kufr au nom du din. Et ba'adhuhum, ils appellent à l'bid'a. Et ba'adhuhum, ils appellent à tahrif al-sifat. Et ba'adhuhum, ils appellent à de l'égarement. Imma madhab al-khawarij, imma madhab al-mu'attila, etc. Fahafidh ala dinik. Et ces réseaux sociaux, si c'est une cause pour t'éloigner du dhikr, du Coran, de la Sunna et du ilm, fa'alam anna c'est une fitna pour toi. Ces réseaux, comme a bayyana ba'd ahl al-ilm, on les utilise pour propager le haq. C'est une wasila faqat. Al-wasila, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un moyen. Un moyen pour propager la vérité. Amma vouloir apprendre al-ilm avec ces réseaux, faqat et passer tout son temps dans ces réseaux et polémiquer avec al-sadiq ou al-adou, avec al-sunni et avec al-bid'i, al-mubtadi', c'est une fitna et ça peut être la cause, iyadam billah, an al-insan il délaisse la voix du prophète alayhi salatu wassalam, thumma il regrettera yawm al-qiyama. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ففي attention de tout ce qui peut t'écarter de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit un être humain bien sûr ou que ça soit ses réseaux. Il y en a certains comptes, والله ما تدري qui c'est qui écrit, un djinn ou un être humain, un muslim ou un kafir. لا يخفى عليكم ان كثيرا يبروباج انهم ils ont découvert ان certains comptes qui parlait au nom du din, c'était des juifs, ou des chrétiens, ou des athées. Léana, c'est très simple. N'importe qui peut ouvrir un compte et il s'appelle Abu Fulan, ou il donne un nom parmi les noms et il propage. Et tu trouves, Adnas, ils prennent tout. Là, ces réseaux, si tu veux en profiter, profite de tes frères Ahl Sunna. Walillahi alhamd. Dans leur compte, il y a du khir, du ilm, des traductions, des livres, etc. Et t'astavid, ça te suffit. Al-Nasiha, c'est que tu étudies Al-Ilm comme ils l'ont étudié Al-Salaf, en voyageant Inda Al-Ulama, si tu peux. Si tu ne peux pas, va en profitant avec tes frères, en donnant du temps à la mémorisation au Coran. Amma wallah, il y en a ces réseaux sociaux. Si tu rentres dans ce système, tu ne pourras pas apprendre abadan, ni le Coran, ni des hadiths. Là, tu auras quelques informations, des traductions à droite, à gauche, et ça s'arrêtera là. C'est pas ça l'ilm. Là, ces réseaux, walillahi alhamd, tastafid une parole de temps en temps, et tu profites des doros, walillahi alhamd, et après, tu dois faire des efforts personnels pour apprendre l'ilm. Kadhalik, on utilise ces réseaux pour faire da'wa à ceux qui ne connaissent pas la sunna. Bah, les musulmans, ils sont ignorants, ils connaissent pas tout cela. Ils pensent que tous ceux qui appellent l'islam, ils sont forcément sur le bon chemin. Fahaoula, walillahi alhamd, on leur propage et on essaie d'être la cause pour qu'ils soient guidés. Amma anta, si tu veux faire des efforts fil ilm, fais des efforts fil ilm. Isole-toi un moment de la journée et apprends le Coran et le Karim. Isole-toi et apprends sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sacrifie de ton temps, de ton argent pour apprendre. Et hakada, t'essayes de finir livre après livre. Et tu demandes à tes frères qui ont plus d'expérience que toi, à tariqa, à sahiha, pour apprendre, pour mémoriser. Et t'attawakkal ala Allah. Amma, ces réseaux, du matin au soir, au nom du din, tu trouveras jamais un talib ilm qui est sorti de ces réseaux. Et qui est devenu talib ilm par le moyen de ces réseaux. Abadan. Wallahi, ces réseaux, ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Donc on fait attention, et c'est ça le khulasa de tout ce qui peut nous écarter de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Qala, wa li hadha fa innahu subhanahu lam yu'ayyin hadha al-khalil wa kana 'anhu bism fulan id li kulli muttabi' awliya'u min dunillah fulan wa fulan. Vous avez remarqué que dans le verset, qala 'azza wa jal, ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rapporté ce que haoula y diront, et il n'a pas cité c'était qui leur fréquentation, leur ami, ceux qui suivaient. Qal azza wa jal fulanan. Fulan, tu peux le traduire par un tel. Ce un tel, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un djinn, ça peut être un ins, ça peut être ces réseaux. Bien sûr, c'est des gens qui propagent dans ces réseaux. Al-muhim, tout ce qui peut nous éloigner du ilm, on doit faire attention. Préserve cette ni'ma. Et n'oublie pas la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, فَلَقَدْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَى عَبْدٍ عَافَاهُ مِنْ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ. C'est une ni'ma azima qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné. ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ فَهَذَا حَالَ هَذَيْنَ الْخَلِيلَيْنَ الْمُتَخَالَيْنَ عَلَى خِلَافِ طَاعَةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَآلَ تِلْكَ الْخُلَّةِ إِلَى الْعَدَاوَةِ وَاللَّعْنَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. Et au final, cette fréquentation, cet ami qui ne suit pas sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bel qui fait tout pour t'éloigner de la vérité, de l'islam, de la science, etc. يوم القيامة, il se désavouera de toi. Et tu te désavoueras de lui. وَنَسْأَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الثَّبَاتِ لِلْجَمِيعِ. Et ceux qui ont suivi autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كل واحد, il se désavouera de l'autre. Al-akhillaou. Al-akhillaou, c'est le pluriel de khalil. Al-akhillaou, et les amis intimes. Ils étaient très très proches fit dunya. Hada, ils défendaient hada, hada, ils suivaient hada, hada, ils trouvaient des excuses à hada, et toujours ensemble, etc., dans le haram, dans l'innovation. Kadalik, al-kuffar, entre eux. Al-akhillaou, yawma idhin ba'duhum li ba'din adou. يوم القيامة ça, ils deviendront des ennemis. كل واحد il essaiera de mettre la faute sur l'autre. Amma celui qui aimait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui suivait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son objectif c'était adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. أي la personne, elle est avec qui elle aime yawm al-qiyama. Enfin, si tu aimes le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ton modèle c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fera shafa'a pour toi yawm al-qiyama bi-idhnillah, azza wa jal. Enfin, tu profiteras du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi dunya et yawm al-qiyama. Amma, autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que de l'apparent. C'est que du mensonge. C'est que pour les profits. La preuve, le jour des comptes, Le jour des comptes, il n'y a plus de dunya, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de zina, d'alcool, toutes ces choses haram, toutes ces passions, tout ça, il n'y a plus. Enfin, cet ami se désavouera de son ami. Ça prouve, Adana, cette amitié, elle est fondée sur rien. Elle est fondée que sur les passions. Enfin, fais tout pour fréquenter ceux qui te montrent la vérité. Fais tout pour fréquenter un ami. Tu as les mêmes bases que lui, les mêmes fondements, le même din, la même voix, les mêmes envies, fais l'ilm, etc. قال وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم في غير موضع من كتابه كقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تأمل ce verset من سورة الأحزاب أن الله عز وجل إلى ست حال هؤلاء في النار أي يوم القيامة أي les suiveurs et leurs modèles, ceux qu'ils ont suivis, leurs guides, leurs imams dans l'égarement. قال عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار, quand ils seront en enfer. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il les jettera dans le feu. يقولون, ils diront, يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. Les regrets. Lakin, ces regrets, c'est d'aucune utilité pour Al-Mujrim, Al-Kafir, quand il sera dans le feu. Et ils espéreront, يَا لَيْتَنَا, si seulement on avait obéi à Allah Azza wa Jal et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous, il y a une faïda azima de lire ce verset 1 et de le comprendre et de méditer. لماذا لأنك encore vivant et c'est pas trop tard. ولله الحمد. T'es encore في دار العمل. أما هؤلاء quand ils diront cela, ils seront dans la demeure de l'au-delà. Il y aura plus de temps pour œuvrer. Ça sera fini. Ça sera le jour des comptes. أنت ولله الحمد. Tu peux. Donc si on a eu des faiblesses, des manquements, on doit se corriger. On doit faire des efforts. Et كما تقدم معنا. طاعة الله عز وجل أي الهجرة إلى الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Vous avez remarqué que ces deux hijras reviennent souvent, elles sont citées dans ce verset. Ce kafir qui sera finnar, il espérera pouvoir faire ces deux hijras, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est le sens des deux témoignages et ce que ça implique. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. L'être humain, il est hagada, d'aïman, il met la faute sur les autres. هؤلاء, qu'est-ce qu'ils diront? Ils seront dans le feu et ils diront à Allah, وقالوا ربنا. Ils diront à Allah subhanahu wa ta'ala, إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. Ya Allah, on a obéi à nos imams, à nos guides, à nos responsables, etc. فَأَظَلُّونَ السَّبِيلَ. Ils nous ont égarés. رَبَّنَا أَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ. Ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils rajoutent en châtiment leur guide. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. فَهَؤُلَا, entre eux, ils se feront des... أَوَنَعْمْ فِي النَّارِ, ils se feront des du'as les uns contre les autres. Ils n'ont pas réussi fi dunya et fi l'akhira, ça sera encore plus grave, plus critique leur situation. قال ابن القيم رحمه الله تمنى القوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حين لا ينفعهم ذلك. Ils espéreront obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager alayhi salatu wasalam le jour où ça ne sera plus utile. Donc, هذا c'est من الخدلان. C'est min khidlani iblis li haoula. Iblis, il a égaré haoula fi dunya, il les a écartés de l'obéissance d'Allah, azza wa jalla, et l'obéissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Et yawm al-qiyama, ils espéreront, alors ça sera trop tard. Qala wa'tadaru bi annahum ata'u kubara'ahum wa ru'asa'ahum. Kubara'ahum wa ru'asa', ça vient du mot kabir et du mot ra'is. Ra'is, c'est... On l'emploie, nous, pour le président, mais al-ra'is, c'est plus vaste. Al-ra'is, c'est celui qui a une responsabilité sur quelque chose. Wa al-kabir, kadhalik, c'est kabir al-qawm. À la kulli hal, les guides de هؤلاء واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils ont délaissé la voie du prophète عليه الصلاة والسلام pour suivre autre. Ils regretteront. قال وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. Alors qu'ils s'aimaient في الدنيا, ils se suivaient, ils se soutenaient. Et finnar, yawm al-qiyama, quand ils rentreront en enfer, ça finira comme ça. Un wahid, il fera du'a contre l'autre. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui rajoute. قال وفي بعض هذا وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية وبالله التوفيق. Celui qui réfléchit sur ces versets, يستفيد جدا. موعظة وعبرة. Hey, c'est des leçons, c'est des rappels bénéfiques. Si on pense à l'imada, on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, tu suis un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et demain, tu ne sais pas. Il y a beaucoup d'obstacles. On a cité les mauvaises fréquentations, on a cité les réseaux sociaux. Wahakada ad-dunya. Ad-dunya, ça écarte l'insan du suivi du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. L'argent, le travail, les projets, quand on, si, plutôt, on dépasse les limites dans ces choses, ça peut nous écarter. Belle, ton enfant il peut t'écarter de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Si tu fais pas attention et tu suis tes passions et tu fais passer les sentiments avant la vérité et tu n'as pas de quwa, tu n'as pas de force pour imposer la vérité, ton épouse, tes enfants, ta famille, ça peut t'écarter de la vérité. Allez, on doit s'accrocher. On doit s'accrocher et réfléchir d'un iman à ce jour. Allez, comme on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve, mais on fait les causes. Et la principale cause, ils sont rentrés au feu, ils ont délaissé l'obéissance d'Allah azza wa jal et de son messager, alayhi salatu wassalam. Thumma qal, wa qala ta'ala, le 9e verset, et la'allahu c'est le dernier. Naam. وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوها فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليها من العبر. العبر c'est في القرآن. Celui qui veut des rappels bénéfiques, qui veut des leçons, qu'il revienne au Coran. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et hakada la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. قوله تعالى افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ذكر الصنفين المبطلين. Allah subhanahu wa ta'ala il a cité ces deux groupes d'égarés. الذين كذبوا بآيات الله عز وجل الذين افتروا على الله الكذب. قال أحدهما منشئ الباطل والفرية. Al-firya, c'est al-kadhib, c'est le mensonge. Et ceux qui ont inventé des choses, qui ont menti. Wa na'am, qala munshi'u al-batil wa al-firya wa wadi'uha wa da'i an-nas ilayha. Ça c'est le premier qism. Non, ils ont menti. Et ils ont inventé des choses et ils ont égaré les gens, ils ont appelé les gens à les suivre. Iyadan billah. Qal wa thani al-mukaththib bil-haqq. La deuxième catégorie, ceux qui rejettent la vérité. La vérité, elle leur parvient, même s'ils n'ont pas inventé une chose, quand la vérité, elle leur parvient, ils la rejettent. Et haoula, en général, ils suivent la première catégorie. Ils suivent ceux qui ont inventé des choses. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a résumé ces deux catégories en se basant sur ce verset. قال فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل والثاني كفره بجحود الحق La première catégorie, ils ont mécru les mains d'aller annahum. Ils ont inventé des choses. Incha'il batil. Et yadam billah de la mécréance, etc. Wassani, kufruhu, et bijouhud il haq. Ils ont mécru les mains d'aller annahum. Ils ont rejeté la vérité. Ils ont rejeté le tawhid. Ils ont rejeté le suivi du prophète, alayhi salam. Ils n'ont pas voulu accepter, ils n'ont pas voulu croire. قال وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل chaque مبطل il est confronté à ces deux catégories إما une invention إما le rejet de la vérité قال فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق التضعيف العذاب أما si en plus de cela il appelle à son égarement à sa mécréance, et il empêche les croyants de suivre la vérité, il essaie de les détourner, voilà, ça sera encore plus grave. Ça nous montre, voilà, en al-kuffar, ils ne sont pas tous au même niveau. Yawm al-qiyam. Qala, li tada'u fi kufrihi wa sharrihi, wa li hada qala ta'ala, alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al-azab, bima kanu yufsidun. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن السبيل الصد عن السبيل c'est le fait de détourner les gens de la vérité. Si on prend مثلا deux genres de kuffar, un kafir, il ne croit pas et c'est un égaré, c'est un kafir, lakin il appelle pas les autres à l'égarement et il empêche pas les autres d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, هذا c'est un kafir. Et au Qiyama, il rentrera en enfer éternellement. On prend une autre catégorie de kafir, où il ne croit pas, il ment, et il empêche les autres de suivre la vérité, et il appelle à l'égarement. Là, chacun a son cas, il est beaucoup plus grave que le premier. Mais elle a les deux, c'est des mécréants, les deux, c'est des koufars, lakin, les mécréants, ils ne sont pas au même niveau. C'est comme les croyants, ils ne sont pas au même degré. Certains croyants, ils seront dans des hauts degrés, fi al-jannah, Al-Firdaus, etc. Et d'autres croyants, ils auront un niveau, un degré plutôt inférieur. Donc, Al-Iman, Yazid ou Yankus, Al-Iman, les croyants ne sont pas au même niveau. Et Al-Kufr Darakat, Al-Kufr, c'est différents niveaux. Les kuffars, ils ne sont pas tous au même niveau. فَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلِ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Les hypocrites, ils seront plus bas fond, le plus bas niveau de l'enfer. يَدَمْ بِلَا لِمَاذَا Les Anahoum, ils ont fait apparaître l'islam et fait le haqiqa, ils combattent l'islam et ils propagent la mécréant. Ha'oula, c'est les pires. Qala rahimahullah. Wa haytu yuzkaru al-kufr al-mujarradu la yu'addad al-azab ka qawlihi wa lil-kafirin azabun alim. Vous avez remarqué que, huna, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cité al-azab yu'addad. نعم وحيط يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب نعم اما dans certains cas Allah subhanahu wa ta'ala il montre qu'ils auront encore un châtiment et un autre châtiment par rapport à leurs égarements et à la kulli hal même le kafir on prend si un kafir مثلا il est neutre il appelle pas à la mécréance il combat pas les autres il est tolérant lakin c'est un kafir il sera châtié éternellement walil kafirin adhabun alim un châtiment très douloureux قال وقوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك نعم أي أن هؤلاء ils auront certaines choses في الدنيا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي ما كتب الله لهم في الدنيا الله سبحانه وتعالى il a décrété أنهم ils vont vivre une durée de kada, matalan, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Il a appelé kada, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a qadr un risque, ils auront tant d'enfants, ils auront tant d'argent, etc. Tout ça, ils l'auront fait, dunya. قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. لكن quand les anges, الرسل هنا c'est بمعنى الملائكة, quand ils viendront récupérer l'âme de Haoula, fayaqulun qalu aynama kuntum tad'un min dunillah. Ay, où sont ceux que vous adoriez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah aynama kuntum tuwaluna fihi wa tu'aduna fihi وَتَرْجُونَهُ وَتَخَافُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. C'est pour ça que s'accrocher, espérer, craindre autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait que du mal à l'insan. Quand les anges récupéreront ton âme, toutes ces choses, c'est d'aucune utilité. La seule chose qui te sera utile, c'est ta croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Iman, ta foi. قالوا ظلوا عنا زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة. Ils répondront quand les anges leur diront ما كنتم تدعون من دون الله. Aïe, ces gens que vous suiviez, que vous adoriez, que vous aimiez, etc. أينهم, où sont-ils? Ils diront قالوا ظلوا عنا ظلوا, ils nous ont laissés, on les a perdus. قال ابن القيم رحمه الله وقوله وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ادخلوا في جملة هذه الأمم. ثم يغنطرون en enfer. Ils reconnaîtront أنهم c'était des égarés et tout ce qu'ils adoraient c'était d'aucune utilité et ils rejoindront leurs frères من الإنس والجن leurs frères كفار أو hypocrites en enfer. ثم قال كلما دخلت أمة لعنت أختها. Quand une أمة, un groupe y rentrera, فلعنت أختها, il maudira les autres. Ou plutôt, ils maudiront les autres. Même s'il y avait des liens, il y a des liens de parenté, des liens de sang, ou d'alliance, ou ils sont du même pays, ils avaient les mêmes valeurs, ils avaient les mêmes principes, ça sera d'aucune utilité. Celui qui rentrera, il maudira les autres. Tellement que le châtiment, il sera difficile. Tellement qu'ils regretteront. Et hakada l'être humain, vous avez remarqué, même dans cette situation, d'aïman, il regarde l'autre. Alors que celui qui rentre en enfer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve, c'est lui la cause. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. L'imad ali, an Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé al-Rasoul, alayhi salatu salam, avec la vérité. Et il nous a ordonné de le suivre. Celui qui a suivi autre, c'est lui le responsable. C'est pas un autre. Lakin l'être humain, il est hakada. Daiman, il regarde les autres. قال كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوها فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم et كل أمة متأخرة ظلت بأسلافها. Ça nous montre أن ما من ظل, n'importe qui s'égare, la cause, c'est ceux qui étaient avant lui. Les ma'ala, les annawar de nas, ils ont délaissé le suivi du prophète, alayhi salatu salam. Falihada nahnu wa lillahi alhamd, on a un modèle, on a une uswa, le prophète Muhammad, alayhi salatu salam. Kadhalik, on a des a'imma, min as-salaf as-salih, radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala zakkahum, Allah subhanahu wa ta'ala, il les aime, il a accepté leurs œuvres, il les a agréés. On n'a plus qu'à suivre Ha'oula al-Akhir. Et si on ne suit pas Ha'oula, on sera obligé de suivre autre. On doit faire des efforts. Et pour suivre, il faut du ilm. Pour suivre, il faut apprendre. On a un autre problème. Ils pensent suivre le Nabi, et ils suivent des shayatines. Ils suivent leur passion. Ils suivent l'égarement. Tout ça au nom de l'islam. لماذا لأنه un manque de ilm et les ambiguïtés et les mauvaises fréquentations. فاحذر, apprends ton din, écarte-toi des mauvaises fréquentations et suis la voie des salaf en revenant aux savants. بإذن الله عز وجل tu seras على الصراط المستقيم. ثم قال قوله ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال ضعف عليهم العذاب. ضعف هنا بمعنى augmente, multiplie. قال بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك. Ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala de rajouter à leur guide châtiment et punition. Pourquoi les Naoum, ils ont été la cause de leur égarement. قال أي الله تعالى لكل ضعف أي من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره. أي chacun il aura sa punition et il aura une augmentation dans le châtiment. Chacun de Ha'oula, chacun maqal ibn al-Qayyim, par rapport à sa mécréance et à son égarement et à son combat contre la vérité. L'imad ali anna Allah azza wa jal, il est juste. قال ولكن لا تعلمون أي لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. Et chacun de هؤلاء il ignora la situation de l'autre. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. نعم وقالت أولاهم لأخراهم أي الآن les guides qui parleront. Enfin, les suiveurs ils sont rentrés, ils ont accusé leur guide. Anahum, vous avez été la cause de notre égarement. Il a arrêté de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur ajoute du châtiment. Les guides ils parleront. Wa qalat ulahum, et ceux qui les ont précédés. Les ukhrahum fama kana lakum alayna min fadl fa innakum ji'tum ba'dana fa ursilat fikum ar-rusul wa bayyanu lakum al-haq wa hadharukum min dhalalina wa nahawukum 'an ittiba'ina wa taqlidina fa abaytum illa ittiba'ana wa taqlidana. Ils leur diront ma lakum fama lakum alayna min fadl. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers. Et la vérité, elle était claire. Vous avez préféré nous suivre, enfin, vous êtes entièrement responsable. C'est vous qui avez voulu délaisser la vérité. Andur. Anna, ils remettront la faute sur ceux qui les ont suivis. Et là, ben, c'est très très dur. Ça sera très très difficile. Wa nas'alullah al-afiyah. Limada? Lianna, ces guides fi dunya, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils appelaient les suiveurs à les suivre. Ils les mettaient en garde contre les messagers, contre l'islam. Ce qui se passe aujourd'hui. À Immatul Kufr, comment ils font avec leurs suiveurs. Et Yawm al-Qiyamah, ils leur diront, là, c'est de votre faute. On vous a appelé à l'égarement, c'est vous qui avez suivi. Vous n'aurez pas dû nous suivre. Si vous aurez voulu la vérité, vous aurez dû suivre la vérité. Et Hada, c'est très très dur. Les Mahada, les Anna, ils seront dans le châtiment et ça sera éternellement. Imagine les regrets. Anta fi dunya, si quelqu'un t'appelle à faire une chose, thumma, il remet la faute sur toi, t'as beaucoup de mal à accepter. Là, qu'il en tant que croyant, tu patientes, et tu sais que son injustice, il paiera, et alhamdoulilah, ça passe, on est fils de dunya. Là, qu'il, c'est dur. Il t'appelle à une chose, thumma, il te dit, là, c'est ta faute, t'aurais pas dû me suivre. Fa ta'ammal hal ha'oula fil nar. Qala, wa tarak al-haq, alladhi atatkum bihi al-rusul, fa ayyu fadlin kana lakum alayna. هذا قوله فما كان لكم علينا من فضل أي vous êtes pas meilleur que nous. لماذا لأن vous aussi vous êtes égaré et vous aussi vous avez appelé les autres à l'égarement. قال وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركنا. أي ils leur diront vous êtes comme nous. Vous êtes égarés comme on s'est égaré, vous avez délaissé la vérité comme on a délaissé la vérité. قال فضللتم انتم بنا كما ضللنا نحن بقوم اخرين. Et ils leur diront كذلك vous nous avez pris comme modèle et on vous a égaré. Et nous, kadhalik, on a pris des gens comme modèle et ils nous ont égaré. Ça montre à Ava, un al-kafir, il sera perdant. Que ce soit un suiveur ou que ce soit un guide. Qala, fa'ayyu fadlin lakum alayna fadhuqu al-azaba bima kuntum taksibun. Et ils goûteront tous et ils subiront tous le châtiment. Les mahadal et anahum, ils ont tous rejeté la vérité. Suiveur et guide. قال رحمه الله فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة. صحيح. القرآن الكريم quand tu le lis sans te précipiter en revenant aux imams de la sunna مثل هذا الكلام الجميل de l'imam Nurqayyim رحمه الله ففيه نصائح وعبر وفوائد كثيرة. فتأمل أنت هؤلاء leur histoire qui est citée في القرآن leur situation. Comment ils seront finnar? Anta walillahi alhamd, tu es encore vivant. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore demander pardon. Tu peux encore faire des efforts. Tu lis hada et tu es convaincu que ça arrivera. Pourquoi? Parce que c'est kalamullah. On n'a aucun doute. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit hada al kalam. Fa tastafid. Anna, tu fais tout pour ne pas faire partie de haoula. Et tastafid une fa'ida azima. Attention de suivre autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il embellit ses paroles. Même s'il te promet des choses. Même s'il te rassure. Ihdhar. احذر لأن يوم القيامة يسدزفوها. قال رحمه الله لو صادفت من القلوب حياة avec هذا الشرط. لماذا؟ لأنه قال فلله ما أشفاها من موعظة. موعظة c'est un rappel, une exhortation. وما أبلغها من نصيحة, un conseil. لكن pour qui? C'est qui va profiter de cette exhortation, de ce rappel, de ce conseil? من؟ قال لو صادفت من القلوب حياة. Cette nasiha, ce rappel, cette exhortation, si elle trouve un cœur vivant et de la place, elle rentrera dans son cœur. Ça nous montre mada. On lit ces versets Wallahi alhamd. Mais on a du mal à profiter. Pourquoi? Parce que هذا القلب il est pas prêt. بعض الناس عيادا بالله ils ont le cœur mort, al kuffar. Tu peux lire ce verset à un kafir, ça ne le fera pas bouger. Tu peux lui parler de l'enfer, cette situation, alors qu'il est concerné, s'il meurt dans cet état, il fera partie de Haoula. Ça ne le touchera pas. Très simplement, il peut se moquer, il peut rire, il peut... L'imam d'Aliyana, le cœur, il est fermé, il est verrouillé, il est bloqué, yadam billah. Et wa'ad al-qulub, marida. C'est comme un corps vivant, lakin, le corps, il est malade. Enfin, certains cœurs, ils sont malades, et ils ont du mal à accepter. Et kadhalik, certains cœurs, ils sont remplis d'autres choses. Il n'y a plus de place pour ces exhortations, pour ces rappels. Allez, là, on doit faire attention. Fais de la place dans ton cœur. Ne pense pas qu'à Dunia. Ne pense pas qu'au projet. Ne pense pas qu'à l'avenir de cette Dunia. Ne pense pas qu'à toutes ces choses. Ne pense pas qu'aux passions, qu'à profiter. Là, donne du temps. Donne du temps et fais de la place dans ton cœur pour qu'il accepte, bi'idnillahi azza wa jal, ces rappels. Qala. فإن هذه الآيات وأمثالها ممن تذكر قلوب السائرين إلى الله وأما أهل البطالة الثكلة نعم الثكلة فليس عندهم من ذلك خبر نعم تأمل قوله السائرين إلى الله ça vient du mot سير السير c'est le voyage on est toujours dans notre hijra إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ça fait partie des provisions pour ce voyageur التدبر في القرآن الكريم ابن القيم رحمه الله il a cité 9 versets pour expliquer pour détailler قليلا الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي le suivi et ces versets c'est des provisions pour toi des rappels pour que بإذن الله عز وجل tu avances dans ton voyage tu n'abandonnes pas tu ne t'arrêtes pas tu ne te perds pas Dans le voyage, certains ils font demi-tour. Ayyadun billah, c'est l'i'rad, le fait de délaisser la vérité. Dans le voyage, certains ils abandonnent, ils désespèrent. Dans le voyage, certains ils se perdent. Ay, ceux qui ont suivi autre que la vérité. Fahdhar, tu as des provisions bénéfiques, profitables, que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a cité dans le Coran al-Karim, que le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a montré dans sunnat al-Nabi salatu wa salam, va accroche-toi. كذلك pour conclure on peut citer un autre verset qui ressemble au 9e et فيه فوائد كثيرة قوله عز وجل في سورة سبأ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه فصح حال الكفار انهم يتدون ils ne veulent pas la vérité وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن هكذا ils sentent انهم ils ne veulent pas croire ثم قال عز وجل il a cité leur situation يوم القيامة comme le verset qu'on vient de lire قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول si tu verrais الظالمون comme dans l'autre verset Allah سبحانه وتعالى les a appelés الظالمون ويوم يعض الظالم et dans ce verset ولو ترى إذ الظالمون Al-Kuffar, ils sont injustes. L'imad, Allah Azza wa Jalla les a créés pour une chose et ils ne veulent pas la faire. C'est de l'injustice. Inna shirka la dhulmun azim. Allah subhanahu wa ta'ala قال وَلَوْ تَرَى أي si tu verrais les injustes مَوْقُفُونْ عِنْدَ رَبِّهِمْ أي يَوْمُ الْقِيَامَةِ quand ils seront tous rassemblés et Allah subhanahu wa ta'ala il les jugera, il les châtiera, il les jettera dans le feu يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ chacun et l'accusera l'autre. Chacun, il dira que c'est un tel qui est responsable. يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ Vous avez remarqué que dans les autres versets, on avait guide et suiveur. Dans ce verset, on a al-mustad'af et al-ladhi stakbar. Et les faibles et ceux qui n'avaient pas ces faiblesses. يَدَمْ بِاللَّهِ Et tu as les suiveurs, ils sont faibles et tu as les guides. فيقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين اي les faibles suiveurs ils diront au guide si de votre faute on a pas cru اي c'est vous لولا انتم للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين اي c'est à cause de vous qu'on a pas cru قال الذين استكبروا لقد répondront قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم أي est-ce que c'est nous qui vous ont écarté de la vérité après que la vérité elle vous soit venue بل كنتم مجرمين exactement comme dans l'autre verset بل c'est vous C'est vous qui avez refusé de suivre la vérité. Les guides, ils leur ont montré, ils les ont mis en garde contre l'islam, etc. Et c'est eux qu'on choisit. La preuve, c'est que certains, ils n'ont pas suivi Shaitan et Aïmat al-Kufr, ils ont suivi l'islam. Enfin, ils leur rejetteront la faute. Bel kuntum mujrimin. Wa qala alladhina istud'ifu. Les faibles, ils répondront, les suiveurs. Wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makru al-layli wan-nahar idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. C'est ce qu'on a cité. Et haoula, ils répondront bal makru al-layli wan-nahar. Ay, vous rusez, vous avez rusé contre nous, vous nous avez appelé à hada et maintenant vous dites que c'est de notre faute. Hada, c'est très très difficile. Quand wahid il t'appelle à le suivre, thumma il se désavoue, il te dit là, t'aurais pas dû me suivre. Enfin, Al-Va'if, le suiveur, dans ce cas, il regrette pourquoi. Il dit, enfin, pourquoi tu m'as appelé à cela? T'aurais dû me laisser. Lakin, Al-Kuffar, ils s'accuseront les uns les autres. Thumma qala azza wa jal, wa asarru nadamata lamma ra'aw al-'adhab. Thumma, quand ils verront le châtiment, yawm al-qiyamah, l'enfer, il sera très très proche. Quand ils verront l'enfer, le châtiment, bah, ils regretteront. Wa asarru nadamata lamma ra'aw al-'adhab. Ils regretteront. Et pourquoi on les a suivis? Et ça sera d'aucune utilité. Al-aghlal, des chaînes autour de leur cou, yadam billah, pour qu'ils soient tous jetés dans le feu, enchaînés. Comme on a dit dans notre dars sur l'enfer, dans les étapes de l'au-delà. Hal yujzawna illa ma kanu ya'malun. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala khatama al-aya anna. Ce châtiment, il est fondé sur la justice. Allah subhanahu wa ta'ala, il les châtiera que par rapport à ce qu'ils ont fait de leurs propres mains. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa s-sadad. Fa raji'u. Ces 9 versets que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il a cités. On essaiera, bi'idhnillah azza wa jalla, le prochain cours, si on y pense, de les résumer, bi'ikhtisar, au moins les citer et résumer les fawa'id. Et on conseille à nos frères, na'am, de résumer ces 9 versets. Et de citer les fawa'id. Maintenant, ce verset, stafadna, là, on doit suivre Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset, stafadna, là, on ne doit pas suivre autre. Ce verset, stafadna, kada. Et incha'Allah ta'ala, ça sera très, très profitable. Et on passe à notre deuxième dars. Walillahi alhamdu. On a fini. Hada al-fasl al-muhim, ce chapitre. Et à partir de demain, incha'Allah ta'ala, on commencera la lecture du prochain chapitre.